Eh oui, les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marco au microphone, Jean-Philippe Boisbriand, comme d'habitude, est là à la mise en onde, mais maintenant beaucoup plus proche de moi. Il n'y a plus de fenêtre qui nous sépare. Et ils ont enlevé l'écriteau de ne pas nourrir le metteur en onde. Alors, on peut maintenant le nourrir. Aujourd'hui, une émission consacrée à toutes sortes de choses. Comme par exemple du songwriter, du folk, un peu country par moment, avec de l'afrobeat aussi, du funk et toutes sortes de choses. Et pour, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Ben on commence maintenant. And you scattered all the pieces on the floor. I sit for hours in my room and try to fix it like it was before. It seems unreal when I try. There must be some small pieces I can't find. So I sit for hours at a time and try to fix the puzzle of my mind. What's happened to my senses? I can't see, I can't hear, I can't think. My world is shrouded in a fog. The chain that binds my mind's missing a link. Where are the good things that we shared? They burned up in a cloud that hides my sun. And I need something to clear the air and fix my mind again so it will run. My body is a vacuum, I've no words, I've no thoughts, I've no heart. The love that brought me sanity is now the force that's tearing me apart. The view outside my window pane is wrapped in gray like granite on a tomb. And I need someone to rescue me and sweep away the cobwebs of my gloom. My mind is like a puzzle and you've scattered all the pieces on the floor. I sit for hours in my room and try to fix it like it was before. It seems unreal when I try. There must be some small pieces I can't find. So I sit for hours at a time and try to fix the puzzle of my mind. Up Sunday morning with my mind all in a haze, tear stains on my pillow and makeup on my face. I see those empty whiskey bottles and records scattered on the floor. And from the next room I hear crying. Then I remember the night before. I saw her dancing at the party, so young with laughter in her face. And when the others had departed, convincing words and she stayed late. And now those empty whiskey bottles, they stand accusing from the floor. Then I hear footsteps as she's leaving. Yes, she remembers the night before. turn back the clock, turn it back to yesterday. There are things I wouldn't do and things I wouldn't say. But now those empty whiskey bottles within my mind forevermore. And in the silence I hear crying, yes, I remember the night before. See the people, echoes cool, and hurrying on my way, and dressing's a sweet, all the people to see, they're looking at me, all the people to see. And when I set my eyes on you, you look like a kitty. And when you're in the moon, oh, you look so pretty. Caught a glance in your eyes and fell through the skies. Glance in your eyes and fell through the skies. Scarf goes up behind. You said, get them away. Please don't say a word. Get me out of here. Get me out of here. I hate it here. Get me out of here. At night time I go out and see the people. Air goes cool and hurrying on my way. Glance in your eyes and fell through the skies. Glance in your eyes and fell through the skies. The kettle's on, the sun has gone, another day. She offers me Tibetan tea on a flower tray. She's at the door, she wants to score. She dearly needs to say, I loved you a long time ago, you know. Where the winds on forget-me-nots blow. but I just couldn't let myself go, not knowing what on earth there was to know. But I wish that I had, 'cause I'm feeling so sad that I never had one of your children. And across the room inside a tomb, a chance is waxed and wanes. The night is young, why are we so hung up in each other's chains? I must take her and I must make her while the dove domains, and feel the juice run as she flies, run my wings under her sighs, as the flames of eternity rise to lick us with the firstborn lash of dawn. Oh, really, my dear, I can't see what we fear, sat here with ourselves in between us. And at the door, we can't say more than just another day. And without a sound, I turn around and I walk away. Would you like to go to Colorado? Heaven's there, I'm told, in Colorado. Well, I'm leaving in the morning and I'd like to take you with me. I feel that Colorado is a place we could be happy in. The mountains, la-da-da-da-da, Rocky Mountains. Everybody talking about the place of their dreams where they can find peace of mind. I'm not sure, but I think it seems I finally found mine. In the mountain, Rocky Mountains, up on a mountain you don't need your little blue pills. And there's a golden life in them, the hills, on the natural, on the natural, la da da da da, la da da da da. Would you like to be in Colorado? Something's drawing me, yeah, to Colorado. Of the city in the city, and the crystal morning sunshine is so pretty in the mountains, la da da da da, Rocky Mountain, la da da da da. Yeah, the hunter hears the quiet tread of the bare left foot of God, and the soldier hears the echoes where the sons of swords have trod. Up on a mountain you don't need to blow no grass, and all the tea you need is sassafras. On the natural, on the natural, la da da da, la da da da. Everything is is how you feel. In Colorado, I'm tired of plastic people with their neon souls aglow. So I'm going to Crested Butte, babe. I've just got to try once more in the mountains. Rocky Mountains. Rocky Mountains. I love. Well, I love those Rocky Mountains. Fill your heart with love today. Don't play the game of time. Things that happened in the past just happened in your mind, only in your mind. Forget your mind and you'll be free. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul. Love cleans the mind and makes it free. Happening. The dragons have been bled. Loveliness is everywhere. Fear's just in your head. Fear is in your head. Only in your head. Fear is in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Baby, know it all. If you choose, just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness can clear the soul. Love cleans the mind and makes it a free. Sail to Dubai. like I do you. We could laugh the doll off, cause I'd act in your behalf. Half of me would be forever together. And down it comes to the sunshine, to the sunshine. You know, I know, you know that I love you. While they play the white swan serenade, corner the strut, I watch them promenade. Comforted, God is made over. Dun and Brad Street vanity fair. Who wears what? How much and who's been where? But I really don't care unless we share. I have missed it since we went down to Port-au-Prince. Wicked way you rub the tinsel off my Independence Day. Become. See ya if you share the fam. I want to rewind and only we should sail together. Found the sunshine. Eh oui. Ça commençait comme ça, les échangeurs d'air pour la première de la saison, avec d'abord Ed Bruce, oui, qui nous faisait puzzle sur une compilation qui s'appelle The Beginning of the End, The Existential Psychodrama in Country Music, de 56 à 72. Ed Bruce, qui a une bonne carrière, qui est maintenant âgé de 79 ans, qui a écrit plein de hits chantés par d'autres, dont Willie Nelson, par exemple, et qui a joué qui a fait des commerciaux, qui a joué dans Maverick et des trucs comme ça. Une carrière d'acteur, de compositeur, William Edwin Bruce Jr. Nous sommes passés ensuite à Lee Hazlewood, The Night Before, sur l'album 40 de 1969. Évidemment, on nous a parlé souvent de Lee Hazlewood ici, alors je ne le ferai pas aujourd'hui. Sauf que c'est une de nos voix préférées de toute la musique au complet. D'ailleurs, on avait quelques voix dans ce bloc qui auraient pu être toutes nos préférées de toute la musique. Nighttime est une pièce faite par Big Star sur l'album Third Sister Lovers de 1975, un groupe qui s'est séparé d'ailleurs à peu près à ce moment-là pour une première fois. C'est un groupe, on disait de power pop américain début des années 70, qui viennent de Memphis au Tennessee, puis qui se sont séparés pendant une trentaine d'années avant de recommencer en 2005. Puis finalement, il y en a un, Alex Chilton, qui est décédé, ça a mis un terme à l'aventure. Puis ils ont eu une carrière courte quand même et avec peu de succès commerciaux, sauf que ensuite ils sont devenus une influence majeure de beaucoup de groupes comme R.E.M. par exemple, et aussi se connaissent Teenage Fan Club. Jean-Philippe, oui, voilà, Teenage Fan Club, et d'autres du même genre. Roy Harper continue avec Another Day sur l'album Flat and Baroque and Berserk de 1970. Roy Harper, c'est lui aussi de la carrière quand même assez étendue, il a maintenant 78 ans. C'est le genre de personne qui a influencé, toujours plein de gens qui se réclament de l'influence de ce genre de compositeur-là, surtout quand il a fait 32 albums, dont une dizaine d'albums live. Il y a des gens comme Jimmy Page, Plant, Townsend, des Pink Floyd, Ian Anderson de Jethro Tull, qui ont aimé ce que ce monsieur a produit. Et aussi, il a fini par jouer dans quelques films. En fait, c'est trois films qui ont quand même ajouté quelques revenus, possiblement, une carrière déjà bien remplie. Hoyt Axton nous faisait On the Natural sur My Griffin is Gone de 1969. Lui, c'est un type qui a surtout fait beaucoup de cinéma. Il est né à Duncan dans l'Oklahoma en 38, puis il est mort en 99 dans le Montana. Il y a quand même une filmographie qui est quand même passablement chargée, qui commence avec en 66 avec Smokey, puis a joué dans L'Étalon Noir aussi en 79, puis ça se termine l'année de sa mort avec King Cobra en 1999. Et nous avons continué avec un type qui est une influence majeure d'une personne que vous connaissez, qui est décédée aujourd'hui, David Bowie. Alors, j'en parle de Biff Rose, qui fait Fill Your Heart sur The Thorn is Mr. Rose's Side. Une pièce qu'on retrouve, d'ailleurs, sur un album de David Bowie, dont j'oublie toujours le nom, Hunky Dory, voilà. Et il y a une voix, lui, qui... On se rend compte que David Bowie s'est pas seulement inspiré de ses chansons pour même les refaire, mais qui a vraiment été inspiré par tout le style de Biff Rose. Et nous avons terminé avec Van Dyke Parks, qui nous faisait Come to the Sunshine sur un album qui... sur une 45 tours, pardon, qui avait, sur lequel il y avait Come to the Sunshine et Father Alone, un truc de 1969. Van Dyke Parks, qui lui aussi a eu une carrière bien remplie, qui a 78 ans. Finalement, on avait du monde dans les 78-79. Puis il a collaboré. Ça, c'est un truc qui est assez important dans sa carrière. C'est ce qui l'a fait connaître, peut-être. Il a collaboré avec Brian Wilson des Beach Boys sur l'album Smile. Puis il a travaillé avec, au début des années 70, avec Ry Cooder, Alto Guthrie. Puis lui-même a quand même une assez bonne discographie, puis a participé à beaucoup d'albums. Alors, ça commençait comme ça. Pour le deuxième bloc, on s'en va voir quoi? Ah, The 180s, G's, Brother Ha, Étienne Jaumet et quelques autres. Boom. Ah ouais, ben ça continuait comme ça, des échangeurs d'air. Toujours Michel Marc au microphone avec Jean-Philippe Boisbriand qui fait tout le reste. Aujourd'hui, c'est la première et ça prenait de la musique qui bouge. À un moment donné, dans une première comme ça, et ça commençait avec la musique qui bouge pas. Voilà. The 180G's nous faisait Simple Song sur un album qui s'appelle Commercial Album. Alors, The 180G's sont spécialisés dans les reprises a cappella de toutes sortes de choses, dont le groupe Negative Land, qu'on s'attendait pas comme ça à voir a cappella nécessairement. Je sais pas si leur... leur composition s'y prête tant que ça, mais ça donne en général d'excellents résultats. Et là, comme le commercial album des Residents est un de mes albums préférés à vie, je pense que pour une des premières fois, oui, cher public, je vais peut-être télécharger un album. On ne sait pas. Nous verrons, peut-être. Je vous en reparlerai, voir si j'ai téléchargé un album. Ça se peut, on ne sait jamais. Brother Ha nous faisait Egypt sur Devin Music de 2017. Brother Ha, c'est Robert Bob Norton qui se fait appeler Brother Ha, puis qui est un corniste jazz. En fait, il joue du cor français. Il est né en Caroline du Nord, puis il a été élevé dans le Bronx, puis il a joué avec beaucoup de monde. Don Cherry, Thelonious Monk, Freddie Hubbard, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Eric Dolphy. Vous voyez un peu le genre. Puis, il a fait, évidemment, une carrière, on pourrait dire, fructueuse. Il a pas fait tant de trucs comme leader dans sa discographie, comme ça, mais il a joué, comme je disais, avec tellement de monde, puis c'est vraiment excellent. Brother A, c'est chouette. On aime Brother A. Unity, c'est une pièce d'Étienne Jaumet sur 8 regards obliques de 2018. Étienne Jaumet qui est un claviériste, saxophoniste aussi, et qui fait partie, et ingénieur du son, ce qui est souvent pratique lorsqu'on va enregistrer, qui est né en 1970. Eh oui, Jean-Philippe, 70. Pas comme nous. Il est connu comme moitié du duo électro Zombie Zombie. Puis il est aussi dans le groupe rock de Married Monk. Puis on en met quand même assez régulièrement pour une raison qui nous appartient, mais entre autres c'est parce que c'est bon. The Gorn, c'est The Heliocentrics qui nous faisait cette pièce tirée de Fallen Angels, The Singles Collection de 2018. The Heliocentrics, ce sont des Anglais qui vivent à Londres, puis qui font du funk, du jazz, avec des influences diverses, avec comment il s'appelle, avec le producteur Malcolm Cato. Est-ce qu'on connaît Malcolm Cato? Jean-Philippe hausse les épaules. Donc non, ça ne le connaît pas. Puis on fait aussi, ils apparaissent évidemment extrêmement régulièrement à l'émission. Ils sont actifs depuis 2005. Et ce qu'on a entendu, ça datait de quand? De 2018, oui. Alors, il y avait beaucoup de trucs assez récents, d'ailleurs, dans ce bloc, 2019-2017. Parfois, on va dans le loin, dans le temps, mais là, on était proche. Et on est arrivé à Ghost Funk Orchestra, qui nous faisait 7-8. 7-8, A Song for Paul, c'est le titre de l'album de 2019. Et le type qui fait ça... cet Applebaum a l'air plutôt intéressant. En fait, il joue de peu près tout. Je pense que sur ses disques, il y a son frère qui joue de la basse, mais il aime beaucoup tout faire lui-même, pratiquement, dans son propre studio. Il s'amuse aussi, il fait une espèce de rencontre annuelle avec des amis où est-ce qu'il jam pendant 3 jours, comme ça, où est-ce qu'il refait le plein peut-être d'influence de ses amis. Puis c'est vraiment, moi je le connaissais pas du tout. Je savais pas du tout que ce type-là existait. Et je sais pas d'où il sort comme ça, mais il est vraiment nécessairement extrêmement talentueux. si vous écoutez la batterie, j'ai l'impression qu'il est peut-être batteur à l'origine aussi. Sauf que, en écoutant le disque, j'avais l'impression qu'il était peut-être guitariste aussi à l'origine. Puis je me suis dit qu'il était peut-être spécialisé dans les instruments avant. à l'origine aussi. Alors, c'est dur à dire. Aldo and the Farids nous faisaient Light Up sur Spirit Rejoin de 2018. Eux, ils sortent de Milan, puis c'est un groupe de 8 musiciens qui ont l'air spécialisés, chacun avec son expérience, avec leur expérience personnelle dans l'exotique, le jazz, le soul, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour le prochain bloc? Jungle by Night, Akali Lubé, etc. We'll be right back. आती हर घर गली गली भटके नौजवान हर पल भीड़ में अटके शाम है ट्रैफिक रोज की बात ये फिर भी करे जिद देखे धमाके जैसे दिवाली कुछ मरे सहके कुछ लड़े कहके कुछ रहते बहके कभी न जागे कुछ देते धोखा बढ़ते आगे जागे रातों में शहर जगाते हाँ है आंखों में बढ़ना आगे बट वे करे फंड लगते चंद पकड़े गए मंद भरते दंड हाँ गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका देखा गली तो सीखा तरीका ता गली ये गटर देख ले नरक घूम ले सड़क सब है सरस हर कोई दौड़ता भागता पैसा है चाहता कौन सा रास्ता सही है क्या पता घूम के ले धूप के चटके अपने भटके गर्दी में रह दटके वर्दी से रह बचके सुनते ना मर्जी से बढ़ते रहते हैं बट में मुंबई या बम्बई या रंग है भलते खा के चलाते अकल करते नकल एक जैसी शक्ल पर बोना है असल असल में तू जो कहे मुझे फर्क नहीं मैं तो सरसी लिखूं मैं जब भी बातें सड़की time we learn and grow, until and gathering, on the run and the eye. We have a fierce in time, storms and thundering, and I reach inside. My heart, my soul, my force and family. When the lights are dead and the wounds get fed, at the end, at the end, at the beginning. Every seed of a rose, every seed of a flow, no streets of gold, it's a reckoning. I'm a living in the age where we read and the fear, every fears, every race, every reasoning. What's right and wrong? Why die every bond when lives are filling in? Round and round, it's Gullivers. Travel and see the universe. The system will focus on generous. It's apertures, they follow us. Imprison us, they telling us. Heavy collusion, rebellious. You in or you out or you're none of us. Decide or reside with the sufferers. Align or deny all the regulars. Revive and survive, you are one of us. Breaking the chains to be glorious. Serious, delirious. We holding no wings, please copy us. The road to my dreams are perilous. Watch over me, be victorious. Your hand, your brain. Hard work and love, don't be shame. No yawa man, no holiday. Ah, ben, il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce bloc et dans un style de musique qu'on aime beaucoup. Jungle by Night commençait avec un Earn and Bell sur Livingstone de 2018. Oui, où êtes-vous? About Jungle by Night. Alors, ils sont combien? Ils sont 8. Non, ils sont 9. Au moment où l'article a été écrit, il y avait 9 amis qui faisaient de la musique depuis 9 ans. Puis ils ont des influences de toutes sortes, du krautrock, du dance, du jazz, de l'afrobeat, de tout. Ils sont juste talentueux, tout simplement, avec Pieter van Exter. Les autres, ce sont des Amstel Lamois, des Pays-Bassiens, comme on dit. Alors... Il y a du sax, du trombone, de la trompette, et des percussionnistes, de la basse, et tout ce qu'il faut pour donner de la puissance à de l'afrobeat et à du funk et à des trucs de ce genre-là. On a eu Akali de Wubé, la pièce Dodo sur l'album Mata de 2012. Et eux, ce sont des Français, oui, qui ont décidé de faire du funk jazz éthiopien ou de l'éthio jazz. Puis aussi des musiques traditionnelles actuelles d'Éthiopie. Ils ont joué avec Manu Dibango, ils se sont promenés un peu partout dans le monde. Puis ils ont rencontré, à un moment donné, Francis Falsetto, qui est un genre de d'ethnomusicologue français, musicographe, producteur de musique, et qui les a mis en contact avec Guillermo Beyene, qu'on connaît par la série Ethiopix. Et je pense que, je ne sais pas si tout ce qu'ils font est bon, mais tout ce que j'ai entendu était bon. Mais là, j'ai été impressionné par Sarati Korwar, qui nous faisait Mumbai avec MC Mawali sur More Arriving de 2019. Lui, c'est un type qui est né en Grande-Bretagne, mais qui a été élevé à Chennai et à Ahmedabad en Inde, et qui se promène beaucoup entre l'Inde et le UK, le Royaume-Uni, voilà. C'est ce qui arrive quand on lit des trucs en anglais comme ça. Alors, on finit par confondre toutes sortes de choses. Puis il fait une musique qui est complexe. Lui, c'est un percussionniste, ça paraît légèrement. Puis il prête finalement sa musique aux voix d'un paquet de monde qui viennent d'un peu partout. Puis il joue des compositions de Alice Coltrane, Pharoah Sanders. Il mélange la musique indienne, il ajoute un côté un peu hip-hop à ça par moment. C'est vraiment excellent. Puis on aime ça, puis on va en remettre. On est passé à Bixiga 70, Quebra Cabeza, sur Quebra Cabeza de 2018. Et eux, bon, ils viennent de Sao Paulo. Puis ils sont une... Si j'ai bien compté sur la photo, ils sont une dizaine, dont Mauricio Fleury. Alors, sur Discog, c'est le seul membre qu'on voit apparaître comme ça. Puis eux aussi, ça swing, ça swing dangereusement. Puis c'est vraiment... très très très chouette ça aussi, et ça a été enregistré à Traquitana. Ça c'est drôle parce que c'est le numéro 10 de la rue 13 de Mayo, de la rue du 13 de mai. Alors c'est une information un peu drôle à avoir comme ça, mais on sait où ça a été enregistré. Nubian Twist and Cog nous faisait des walks sur Jungle Run. Eux autres aussi ça swingait beaucoup. Sont une douzaine de Londoniens avec toutes sortes d'influences qui s'amusent à mélanger autant le hip-hop que le jazz, que le latin, les musiques africaines et tout ça. Puis ils font quelque chose qui est vraiment puissant. Avec ils enregistrent dans leur propre studio à Henwood dans le Oxfordshire. Si vous voulez cette information, si vous allez dans le Oxfordshire, vous pourrez toujours chercher le studio puis vous mettre l'oreille proche pour voir ce qu'ils sont en train de pratiquer. C'est ça, il y a plusieurs chanteurs, plusieurs personnes qui se relaient pour animer la musique, et c'est vraiment extrêmement bon. Alors, on se rend compte que c'est la fin de la première émission, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine? Nous ne le savons pas. Mais qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? On vous dit tout simplement à la semaine prochaine.